après avoir demandé la permission, peut-être après la permission. C'est pour ça que certains ulama ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymin a dit, subhanallah, c'est quelque chose que ça m'est jamais venu à l'esprit. Quand j'ai lu ça chez Cheikh Ibn Uthaymin, j'ai dit que vraiment, Allah, yani les ulama sont des ulama. Qu'est-ce que j'allais dire? Naam, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, ça rentre aussi dans ce hadith. Quand on est trois, ensuite deux, commence à parler une langue que le troisième ne connaît pas. C'est la même chose. C'est comme s'ils s'étaient retirés, ils ont commencé à parler. Nous sommes trois, moi je ne comprends pas l'anglais. Ensuite deux, commence à parler en anglais, moi je suis avec eux, je ne comprends rien. C'est comme s'ils s'étaient retirés pour parler en arabe, il n'y a pas de différence. Donc même si on change de langue, on parle une langue que ne comprend pas le troisième, ce n'est pas permis. L'Ours Zinjabila écrit le moins, affiche moins de choses sur l'écran, barakallahu fik, pour ne pas me déconcentrer. Affiche moins de choses, sauf quand ça a rapport avec le dars, barakallahu fik. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih, il a dit, نعم إذا نادى المنادي لا معلش زنجبيلة ما في مشكل إن شاء الله كفات خبلان بارك الله فيك. إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. Lorsque vous entendez l'appel à la prière, qu'est-ce qui se passe? Les sept portes du ciel s'ouvrent. Chaque ciel a une porte. Il y a sept cieux. Chaque ciel a une porte. Les portes du ciel s'ouvrent. Et si vous faites un dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous exaucera. Donc n'oubliez pas, inshallah, quand vous entendez l'appel à la prière, n'oubliez pas de faire, celui qui a un dua, qu'il n'oublie pas de le faire. Quand il entend l'appel à la prière, quand il entend l'iqama, quand la pluie commence à tomber, quand on est moussafir, quand on est en voyage, il y a beaucoup de lieux où le dua est exaucé, bien sûr. Quand je dis exaucer, bien sûr, ça veut dire avec des conditions. Ça veut dire, par exemple, si on mange du halal, si on s'habille avec le halal, si... c'est pas comme ça, yani, sans condition. Mais pour le pieux, inshallah ta'ala, ce sont des moments très, très propices. Très propices. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ida nazala ahadukum manzilan » فليقول أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. Voilà un autre vaccin que beaucoup de gens ne connaissent pas, les gens qui ne connaissent pas les hadiths, etc. Ils laissent qu'il leur arrive des problèmes, ensuite ils cherchent la solution. Alors que celui qui connaît les hadiths, celui qui connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avance il est vacciné, d'avance il est prémunisé, yani alhamdoulilah, il n'a pas de mashakil. C'est pas comme les autres, d'abord les mashakil, ensuite il cherche la solution. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, quand quelqu'un yani descend dans un endroit, surtout les endroits, par exemple quand il va dans la forêt, quand il va au pique-nique, quand il va yani où il y a du sable, où il y a par exemple des scorpions, il y a tout ça, il y a beaucoup ça yani dans la forêt, etc. Qu'il dise quoi quand il descend? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit a'oudou bi kalimatillahi tammat, a'oudou bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Il a dit, s'il dit cela, fa innahu la yadurru shay'un hatta yartahil anhu, il ne se passera rien, bi idnillah, rien ne lui fera mal jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit. Subhanallah al-azim. Tous on est voués à ce qu'on soit dans un endroit pareil, hein, on voyage, on s'arrête dans la route, on veut dormir, ou là on descend, on veut manger, ou là tu ne sais pas ce qui se passe, toi, quand tu descends dans un endroit où il y a du sable, où il y a peut-être un scorpion qui va venir, il y a des chayatines que tu vois pas, il y a des chayatines qui sont assis en train de toi, tu les vois pas. Toi, tu as dit le doua, alhamdoulilah, tu as dit a'oudhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, a'oudhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Qu'est-ce qui se passe? S'il se passe quoi que ce soit, inshallah ta'ala, rien ne pourra te faire du mal, rien ne pourra te faire du mal. J'ai pas compris, Abdoun Abdoun Billah, Abdoulillah, où est, qui c'est Abdoulillah? Je ne connais pas. Abdoulillah, Farid al-Makki, vous passe le salam. Alayka wa alayhi salam. Farid al-Makki, le premier, il est là dans la salle. Akhi Farid al-Makki. Akhi Farid al-Makki, salam alaykoum wa rahmatullah. Tu es là dans la salle, ça fait des mois qu'on ne t'a pas vu. Si c'est toi, écris-moi un. Alaykoum wa rahmatullah. Prends le micro, barakallahu fik. Prends le micro, barakallahu fik. Prends le micro. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fille saute, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Cheikh, t'esma'ouni? Alhamdulillah, rabbil alamin. معذرة يا شيخ أبا محمد أبا عبد الله محمد ابن تيمية حياك الله ما تسمعوني يا دي سون لي فرير لي سور est-ce que vous m'entendez نعم ابن تيمية تسمعوني ها ابن تيمية هل تسمعوني أنا قطعت درسك عفوا لأني في على عجلة أريد أن أذهب كنت أريد ألقي عليك السلام يا ابن تيمية تسمعني يا أبا عبد الله محمد أنا أريد أن تسمعني أنت أنا فقط جيت أسلم عليك لأن هذه مدة لم أراك ولم نلتقي في البالتوك فقط لأسلم عليك وسلم على الجميع سي بور سي باسي السلام سي باسي السلام تو مود اكسكوز موا بور لو درس اكسكوز موا لا سور جي في باسي لو فري سي با دو لا فوت دو لا سور زنجابيلا سي ما فوت ا موا سي ما فوت ا موا سي موا كي ا دوني لو ميساج بور غرا بلال على انا بوق فعذرا سي موا كي ميريت دات غوندي با ال بارك الله فيك يا ابن تيمية جزاك الله خيرا خذ اللاقط حتى أسلم عليك فقط لأني يعني أنا سأخرج إن شاء الله بسم الله تفضل يا ابن تيمية أخي جمال فريد المكي عفوا أخي فريد المكي عفوا عليك وعليه السلام à la fin je t'ai entendu auparavant je n'entendais pas en fin de compte je t'ai entendu وفيك بارك الله عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته avant que tu sortes je te dis seulement une chose Inch'Allah ta'ala le 7 juillet Inch'Allah ta'ala Rani Jai l'Umra Inch'Allah si Allah Azza wa Jal veut on se rencontrera là-bas Inch'Allah ta'ala si Allah Azza wa Jal veut on se rencontrera là-bas Inch'Allah ta'ala جزاك الله خير وبارك الله فيك جزاك الله خير وبارك الله فيك je disais que oh j'étais oublié exactement نعم j'essaye de me souvenir dans quel hadith j'étais exactement نعم جزاك الله خير بارك الله فيك اخي فريد moi aussi je m'excuse je savais pas que j'avais pas compris ce qui se passait entre Zanjabila et toi j'avais pas bien compris ce qui s'est passé entre toi et Farid etc c'est pour ça que je ne savais pas que tu étais avec nous dans la salle un mohim ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith طيب نبدا الحديث هذا نعم اكري له سور لافيش بارك الله فيك لو بروفيت عليه الصلاه والسلام ادي اذا وجدت المراه في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل لو بروفيت صلى الله عليه وسلم ادي لوسك لا فام تروف دون لو سونج سو كو لون تروف ال دو فير لو لافاج ماجور Ça veut dire que si la femme se voit quelque chose dans le songe ensuite quand elle se réveille et trouve quelque chose dans les vêtements, elle est obligée comme l'homme de se faire le grand majeur, pardon, le lavage majeur. Et j'ai dit une fois quelque chose en ce sens, je la répète parce que elle est importante, elle est simple mais importante, c'est que quand quelqu'un voit quelque chose dans le songe, il ne se base pas sur le songe, il se base sur les vêtements. Pardon, je note le numéro parce qu'il est possible que le patox se ferme là. Non, je note le numéro là. Non. طيب je disais quoi. نعم donc جزاك الله خير اخي فريد. Le numéro il est dans le fond. Je l'ai copié. Le hadith il roule. Donc l'essentiel c'est de ne pas ana maïs il y a la voiture appelle-moi inchallah ati عندك. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. Donc l'essentiel c'est pas ce qu'on a vu au songe, l'essentiel c'est les vêtements, on se base sur les vêtements. Si on a vu quelque chose dans le songe et il n'y a rien dans les vêtements, on ne fait pas le lavage. Et si on n'a rien vu au songe et il y a quelque chose dans les vêtements, on fait le lavage. Donc l'ibra c'est quoi? C'est pas le songe, l'ibra c'est les vêtements. Dès que tu vois quelque chose, tu vois directement aux vêtements. Si tu ne trouves rien, ça t'intéresse pas, tu ne fais rien, le rave mouillé. Et si tu fais un songe, et tu ne fais pas de songe, pour toi tu peux oublier, mais tu vois quelque chose dans les vêtements, tu dois faire le lavage majeur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منها. إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منها. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akhi Farid. Il a dit si on pose par exemple le dîner, ensuite vous entendez l'appel à la prière, commencez par le dîner, ensuite la prière, et ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous ayez terminé de manger. Hatta yafragha minha, ne vous précipitez pas. Hatta yafragha minha. وهكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يسمع الإقامة وهو ما زال يأكل ولا يسرع ليذهب إلى المسجد. Donc en islam on ne rentre pas dans une prière quand on n'a pas la concentration, on n'a pas la tête avec nous, on ne peut pas rentrer. Et qu'est-ce qui peut nous gêner? Il peut nous gêner par exemple quand on a envie d'aller par exemple aux toilettes. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans une salade si on a envie d'aller aux toilettes. Encore mieux, quand on est dans la salade, on sort à cause des toilettes. Quand on est dans la salade, si c'est vraiment ça nous fait mal, on doit sortir de la salade pour aller faire d'abord les besoins, ensuite revenir et refaire la prière. La même chose pour le manger. Les ulama ont dit, même le hadith a dit, tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? Parce que l'Azawajal ne t'a pas demandé de faire des gestes, descendre, monter, se prosterner comme ça, comme sans avoir la concentration. Mais il t'a dit de faire ça avec khushu', avec khushu'. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Il t'a pas dit de faire du sport. C'est pas du sport, la gymnastique. Il t'a dit de faire cela tout en ayant la concentration et en ayant du khushu' dans le cœur. Maintenant, si tu dis Allahu Akbar et tu es en train de penser à ce qu'il y a sur la table, est-ce qu'ils m'ont mangé ma part ou ils ne m'ont pas mangé, est-ce qu'ils m'ont servi beaucoup ou ils m'ont servi un peu, ils m'ont ceci, ils m'ont cela, khalas, ça c'est pas de la salade. Donc mange, ensuite tu vas faire ta prière, sauf bien sûr quoi, sauf dans un cas si par exemple on n'a pas faim, on vient nous poser la hôte, on n'a pas faim, ou bien on sait par exemple qu'on ne peut pas le manger, par exemple il est trop chaud, je sais que je ne peux pas le manger, il faut que j'attende 20 minutes pour le manger, donc dans ces 20 minutes il vaut mieux que j'aille faire la prière parce que je ne peux pas le manger. Mais si je peux manger, je dois d'abord commencer par le manger. Et les ulama ont dit, Allah, ont dit une phrase yani, très simple mais qui m'a beaucoup plu. Ils ont dit, se dit en arabe, ils ont dit تَمْلَأُ بَطْنَكَ لِتُفَرِّغَ قَلْبَكَ. Pourquoi tu manges تَمْلَأُ بَطْنَكَ, tu remplis ton cœur, ton ventre pour vider ton cœur. Pourquoi on te dit de remplir ton ventre? Pour vider ton cœur. Quand tu remplis ton ventre, là, ton cœur est vide et il y a la concentration. Parce qu'auparavant, ton cœur était attaché avec quoi? Avec le manger là. Ensuite, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ. Si jamais une mouche tombe dans un de vos ustensiles, surtout si c'est un verre par exemple, où il y a de l'eau, là où il y a du lait, où il y a n'importe quoi, il y a une mouche qui tombe, qu'il la trempe, qu'il trempe cette mouche comme ça avec son doigt ou là, qu'il la fasse descendre à l'intérieur. Car la mouche a dans une de ses deux ailes, elle a un poison, et dans l'autre elle a l'antille de poison. وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاء. Et lui, la mouche avant de tomber, elle essaye toujours de quoi? Elle essaye toujours de parer avec son aile qui a du poison. Donc il a dit, toi tu ne sais pas avec quelle aile est tombée de la mouche, tu ne sais pas si elle est tombée avec l'aile où il y a le poison ou bien l'aile où il y a le médicament, tu ne sais pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu la trempes carrément à l'intérieur et tu la jettes. Ensuite tu peux boire yani, sans problème. Bien sûr, cela pour ceux qui yani, veulent boire. Peut-être d'autres vont dire, moi Allah, quand une mouche tombe à l'intérieur, tu ne peux pas boire, tu ne bois pas. Le hadith ne t'a pas dit tu es obligé de boire, il t'a dit mais tu peux boire si tu veux, mais il t'a dit ne bois pas si tu ne rentres pas la mouche, ne bois pas parce que la mouche a une aile et une des deux ailes contient du poison. Tu vas boire, tu vas avoir des maux d'estomac et tu vas avoir je ne sais pas quoi. Donc choisis entre les deux. Tu jettes tout, ou bien tu trempes la mouche et tu bois. Tu n'as que ce verre de lait. Comment faire? Voilà la solution. Tu trempes la mouche et tu la jettes. Ensuite, tu bois. Donc le hadith n'a pas dit c'est obligé. Il t'a montré comment tu fais. Voilà la solution quand tu veux boire. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لي. Allah Azza wa Jal m'a permis un hadith, que je parle ou que je raconte, un malak, d'un ange, un des anges, min hamalatil arsh, un des anges qui prennent le trône. Allah Azza wa Jal m'a permis de parler d'un des anges qui prennent le trône. Vous savez que ceux qui prennent le trône de Allah subhanahu wa ta'ala, l'arsh, sont 8. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya. 8 anges sont en train de prendre quoi? Le trône. Et le trône Allah, de Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez qu'il est quoi? Il est immense. Yani, tu restes comme ça des années à imaginer son immensité, tu peux pas. Tellement il est immense. Et combien d'anges le prennent? 8. Il faut qu'il soit 8 pour pouvoir le prendre. Donc, comment qu'il fait cet ange? Comment yani, sa description? Le prophète a dit, Allah Azza wa Jalla m'a permis de le décrire. Comment qu'il est? Il a dit, Rijlah fil ardi soufla. Cet ange, l'un des 8. Hein, l'un des 8, ses deux pieds sont sous la terre, la dernière terre. Vous savez qu'il y a 7 terres. Il y a 7 cieux, il y a 7 terres. Allahu ladhi khalaqa sab'a samawatin wa min ardi mithlahun. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Allah qui a créé 7 cieux et les terres, yani, et le même nombre des terres. Donc les ulama ont dit il y a 7 terres aussi, il y a 7 terres. Cet ange a les deux pieds dans la dernière terre, dans la 7e terre en bas, qui descend peut-être 1000 ou 2000 ou 3000 kilomètres en bas sous tes pieds. Lorsqu'il a les anges il a les pieds en bas souffle là, et sa tête sur sa tête il a une corne, et sur cette corne il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces deux pieds sont sous la terre, en bas la dernière terre, et sa tête est sous le trône, et le trône est sur la corne de quoi, de cet ange. Ensuite il a dit, pour avoir une idée de son immensité, de le malik, de l'ange, il a dit bayna shuhmati udnayhi. Regardez par exemple nous, nos oreilles, je prends par exemple mon oreille droite par en bas, juste par exemple où on met la boucle d'oreille, shahmati, où il y a ici un peu de viande, allez, ou là un peu de graisse, allez, en bas ça s'appelle shuhmati al-udun, où on met langue, où on met osma, comment ça s'appelle, on met la boucle d'oreille. Il a dit entre l'endroit où on met la boucle d'oreille, tu descends la lobe, barakallahu fik, la lobe, entre la lobe de l'oreille, entre la lobe de l'oreille et la fin du cou, ça s'appelle l'atiq, la fin du cou, c'est-à-dire d'où commence l'épaule elle commence à droite et elle se termine sous le cou. Maintenant la fin du cou, je monte jusqu'à la lobe. Attendez, moi je vais mettre combien il y a entre ma lobe et la fin de mon cou, il y a peut-être 10 cm ou 6 cm ou 7, j'ai fait avec mes deux doigts comme ça à peu près, je dis peut-être qu'il y a 5-6 cm, je ne sais pas. Alors cet ange, combien qu'il a entre la lobe et son cou, le prophète a dit khafaqan at-tayr, lorsque un oiseau ou un pigeon ou le plus rapide oiseau du monde, s'il veut courir, on le pose devant la lobe de cet ange, on lui dit tu essayes de courir de la lobe jusqu'à la fin du cou. Combien qu'il reste, il a dit 700 ans. L'oiseau Ada, il courra 700 années au maximum, il fait le plus vite possible pour qu'il puisse arriver de la lobe jusqu'à quoi, jusqu'à le cou Ada. C'est dire que yani, c'est des milliers de kilomètres il y a seulement entre la lobe et son cou. Alors qu'est-ce qu'il y a de sa corne jusqu'à ses pieds, yani, on ne peut pas mesurer. يقولوا ذلك الملك سبحانك حيث كنت. Cet ange, qu'est-ce qu'il dit toujours? Il répète toujours la même phrase. Il dit سبحانك حيث كنت. سبحانك, il parle de Allah سبحانك. Il dit سبحانك. C'est un ange seulement, un ange qui est plus petit que le trône, et le trône qui est plus petit que Allah سبحانه وتعالى. Allah أكبر. Allah c'est le أكبر. Comment qu'il est Allah سبحانه وتعالى. Regardez le trône. Regardez un ange comment qu'il est. C'est des choses que tu essayes de penser comme ça, tu ne peux pas arriver à comprendre. Tout ma qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à quelqu'un qui est venu lui dire qu'il a vu une femme et qu'il voulait lui demander sa main. Il lui a dit idhab fanzor ilayha, va et regarde-la, fa innahu ahra an yu'dama baynakuma, va et regarde-la, il est possible que tu trouves que tu as un penchant vers elle, ou là elle a un penchant vers toi. Yani, c'est mieux que de tu te maries avec une femme que tu n'as jamais vue. Marie-toi avec une femme que tu as vue et qui t'a vue. Et bien sûr, il n'est pas permis à un homme de marier sa femme comme ça sans que l'homme la voie. Pourquoi? Parce que il se peut que le jour où elle va le voir, c'était tout ce qu'elle souhaitait sauf celui-là. Elle souhaitait tout homme sauf celui-là. Donc, la sunna c'est quoi? C'est avant de se marier, il la voit et elle la voit. Ensuite, elle donne son avis. Elle dit oui ou elle dit non. Elle est libre. Elle dit oui, elle dit non, je ne veux pas celui-là. Donc, beaucoup de pères, malheureusement, marient leur fille, non seulement sans qu'il la voie, mais encore sans qu'il lui demande la permission. Il lui dit jeudi prochain, on l'a dans un mois, c'est ton mariage, prépare-toi, c'est ton mariage. Alors quand elle rentre, elle trouve un homme, yani, elle souhaitait tout sauf un homme pareil, et ensuite c'est très malheureux parce que c'est elle qui va vivre les années avec l'homme et c'est pas son père. Son père, il a pris la dot, il l'a mis dans la poche, il croit que c'est lui, ça lui est permis. Ouais. Il a vendu ici sa fille, alhamdoulilah, il a pris son argent et maintenant qu'elle avec son mari qu'elle se débrouille. Moi l'essentiel, j'ai pris l'argent et j'ai acheté une voiture. Elle se débrouille avec son mari. Elle n'a qu'à lui obéir et là, ça s'arrête là. Et il ne sait pas que elle va vivre des années, peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40 ans avec un homme. Donc c'est pas facile comme ça. Comme on a dit la fois passée, le mariage c'est une nuit, mais une année en train de penser à ce mariage et de se préparer. Une année, hein. زواج ليلى و دبارو تدبيره سنه ولا تدبيره عام كما ندي نون اون الجيري. ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à un autre compagnon, il lui a dit اذهب فقد ملكتها ملكتكها بما معك من القران. il a dit à quelqu'un qui voulait se marier avec une femme, il n'avait pas la dot, n'avait pas quoi lui donner. Il lui a dit, est-ce que tu apprends le Coran? Il lui a dit oui, j'apprends sourate kada wa kada, al-baqara wa kada. Il lui a dit, je t'ai marié avec elle avec ce que tu apprends comme le Coran, comme Coran, avec ce que tu apprends comme Coran. C'est-à-dire qu'il va lui apprendre le Coran hada, qui connaît lui. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit, tu peux te marier avec une femme, par exemple, et la dot, c'est quoi? C'est lui apprendre un livre. Pas lui apprendre, yani lui enseigner un livre. Tu dis voilà ma dot, c'est tu m'enseignes tel livre. Cheikh Al-Uthaymeen a dit, et de préférence on doit être plus précis. Si ce n'est pas tout le livre, tu lui dis par exemple, je me marie avec toi et ma dot sera, tu m'apprendras par exemple les 100 premiers hadiths de Sahih al-Jam'a Cheikh Al-Albani. Ou bien tu m'apprends Kitab, tu lui cites le livre Kada, livre X, chapitre les eaux, chapitre les ablutions, chapitre les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, avec des précisions pareilles, tu peux te marier avec une femme et si elle accepte, cette chose-là sera sa dot. Bien sûr, la dot maintenant, elle devient de plus en plus chère. Je ne sais pas pourquoi les femmes, elles demandent beaucoup d'argent maintenant. C'est beaucoup, ça devient de plus en plus cher. Et celle qui se marie avec la moins, yani qui diminue, c'est celle qui est la meilleure, comme vous devez le savoir. Celle qui diminue, c'est celle qui est la meilleure. Quand elle diminue, ça ne veut pas dire que yani le frère, il va faire semblant de ne pas connaître et de ne pas savoir qu'elle a beaucoup besoin d'argent pour acheter des choses. Hein, il fait comme s'il ne savait pas, il est ignorant, il ne sait pas que tout est cher. Et que si elle a diminué, elle a dit par exemple, je vais me marier par exemple, tu vas m'apprendre X, le chapitre X, les ablutions. Il va dire, khlas, alhamdoulilah, les ablutions, khlas, alhamdoulilah. Il ne sait pas que il faut qu'il lui donne de l'argent pour acheter des vêtements, pour acheter des choses nécessaires. Bien sûr, c'est pas la peine d'acheter des choses en plus, mais au moins pour acheter le nécessaire. Ensuite, ses parents, peut-être, ils n'ont pas d'argent pour faire le mariage. Il ne sait pas qu'il faut qu'il les aide, etc. Donc le musulman, le croyant, il est intelligent, inchallah ta'ala, il est intelligent et il sait toujours comment yani ravir les deux, comment et joindre entre les deux. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit arba'atun min dawab la yuqtilna, quatre créatures, on ne peut pas les tuer. Moi j'ai dit créatures, je ne sais pas en arabe, salam tawab. En arabe on dit dawab. Dawab, c'est toutes les choses qui marchent sur terre. Elles dub, ça veut dire elles marchent comme ça avec les pieds, elles sautent, on dit dub, dabba. Il a dit quatre dawab, on ne peut pas les tuer. La première, namla, la fourmi. La deuxième, nahla, l'abeille. Ou le hudhud, c'est un oiseau, je ne sais pas comment il s'appelle en français, j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai pas trouvé. Quatre bêtes. Non, quatre bêtes. Le troisième, c'est le hudhud. Je ne sais pas, j'ai, dans le dictionnaire, j'ai pas trouvé. Inch'Allah, cette fois, Inch'Allah, si je vais en vacances en Algérie, il faut que j'achète un CD, où il y a un dictionnaire arabe français. Ici, j'ai cherché partout, il n'y a pas l'arabe français. Il y a toutes les langues sauf l'arabe français. C'est pour ça que j'ai donné de l'argent à quelqu'un pour m'acheter un dictionnaire. Il me l'a ramené avec toutes les langues. Sauf l'arabe français. Il dit, subhanallah, moi, je t'ai demandé, sauf l'arabe français, et toutes les autres langues, je ne les ai pas besoin. Il m'a ramené toutes les langues sauf l'arabe français. المهم الهدهد لا سور elle dit c'est la huppe inshallah ta'ala. Ce hudhud il est dans le Coran, hein, dans le Coran sur Suleiman. J'ai oublié le verset comment qu'on dit, comment qu'il dit. Ensuite il dit فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبع يقين. Quand il a parlé du hudhud, je ne sais pas s'il a dit le mot hudhud ou pas dans le Coran. Il a dit hudhud. وتفقد الطير فقال نعم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من غائبين لا أعذبنه أو لا أذبحنه لا أذبحنه أو لا أعذبنه. المهم il est employé le mot الهدهد. نعم je crois que c'est la huppe. هذا الهدهد les ulama disent il connaît l'eau subhanallah العظيم. Ils disent Allah Azza wa Jalla lui a donné يعني, il lui a donné quelque chose de façon à ce qu'il peut connaître l'eau qui est sous la terre. Yani, s'il vient à un endroit, il commence à picorer comme ça avec, avec son bec, ça veut dire qu'il y a l'eau sous la terre. Je crois, d'ailleurs les ulama ont dit cela, on dit c'est pour ça qu'il est interdit de le tuer. Donc le hudhud et le sourad. Le sourad hada, j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai pas trouvé ce que c'est. Je sais, les ulama ont dit, c'est un oiseau grand comme ça, blanc, avec une tache noire sous sa poitrine. Je ne sais pas ce que moi je me suis dit, je dis peut-être, je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire, mais je vous dis peut-être. Il y a un oiseau, un grand oiseau qu'on voit par exemple en Algérie, il vient comme ça une fois par an, on trouve, il fait un grand nid sur la mosquée, des fois il fait un grand nid sur l'église, il vient seulement une fois par an. Peut-être c'est lui parce qu'il est grand, il est blanc, il a du noir, peut-être c'est lui. La cigogne, je crois que c'est la cigogne, je ne sais pas. Si quelqu'un peut me voir dans un dictionnaire, il s'appelle Sourad. Ça s'écrit Sad. Je l'écris ici en arabe. Peut-être la prochaine fois, Inch'Allah, vous m'apportez, si vous avez un dictionnaire devant vous, moi je n'ai pas trouvé. Ça s'appelle Sourad, comme ça. Sourad. Ces quatre, on ne peut pas les tuer. Ces quatre, on ne peut pas les. Je répète, la fourmi. L'abeille, la huppe, le hudhud et le sourad. Ensuite, vous savez qu'il y a un hadith sahih qui dit le contraire. Il y a d'autres animaux. Il a dit qu'il y a six bêtes qu'on peut les tuer, même quand on est en plein hajj. En plein hajj, on n'a pas le droit de tuer les bêtes. Mais il y a six, tu peux les tuer même quand tu es en plein hajj. C'est quoi? Al-hayya, le serpent. Al-aqrab, le scorpion. Al-fa'ra, la souris, c'est traduit pigriesh, non, c'est une pigriesh, Inch'Allah ta'ala, c'est une pigriesh, donc c'est pas la cigogne, alhamdoulilah, hein. J'ai des cigognes comme ça dans ma tête, c'est pas le réqal, elle dit ici, ça s'appelle une pigriesh. Donc les bêtes qu'on peut tuer, même quand on est en plein mahram, en plein haram, on peut les tuer. Le serpent, le scorpion, la souris ou le rat, le chien qui mord, le chien qui mord, le ghourab, l'abqa, le ghourab, attendez, je connaissais son nom en français, le ghourab, le corbeau, le ghourab, mais l'abqa, celui qui a une tache blanche sous son cou, sous sa poitrine, une tache blanche, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de ghourab, l'abqa. Ils sont rares, hein? La plupart des corbeaux, ils sont noirs. Celui-là, il est noir, il a une petite tache blanche. Celui-là, on le tue, on peut le tuer sans rien, sans qu'il soit nuisible. C'est si bête, on peut les tuer, même s'ils ne sont pas nuisibles. Et el-had-ato, ça aussi, je ne sais pas comment on appelle en français. El-had-ato, je vais vous dire, ceux qui ont vécu à la campagne, etc., connaissent el-had-ato. El-had-ato, c'est un oiseau, yani assez grand, bien sûr. Il vient spécialement comme ça, il vient, tu le vois en haut, il a quelque chose de spécial, il peut s'arrêter, même quand il est en plein ciel, il peut s'arrêter comme ça sans bouger. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, et il prend quoi? Et il prend une poule, ou là, il prend un poussin, ou là, et il part. Et là, il s'appelle aussi l'had'a. L'had'a, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il prend les petits poussins, etc., le faucon ou l'aigle. L'aigle, ça s'appelle le nesr. L'aigle, ça s'appelle le nesr. Le faucon, le had atou. Non. S'ils nous font quelque chose, on peut les tuer. Donc tout animal qui est nuisible, on peut le tuer. D'ailleurs, vous connaissez le hadith sahih d'un des prophètes. Un des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, un des prophètes, qu'est-ce qu'il a fait? Il était fatigué, il s'est adossé contre un arbre. Ensuite, il y a une fourmi qui est venue, elle l'a pincé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son valet, il m'a dit, apporte-moi le feu. Et il a brûlé la fourmilière, il a brûlé tout le trou avec toutes les fourmis. Ensuite, Allah Azza wa Jal, lui a dit, Amin ajli namlatin wahida, est-ce que à cause d'une seule fourmi, tu as tué une fourmilière qui dit subhanallah, une fourmilière qui fait tisbih, qui dit subhanallah, فَإِنْ كَانَ لَبُدَّ هَلَّ وَحِدًا, si tu étais obligé de le faire, au moins une seule t'a piqué, tue une seule, pourquoi tu tues toute la fourmilière? Donc voilà un délit où on peut tuer la fourmilière, parce que là je lui a dit, s'il fallait tuer, tue une seule, ne tue pas toutes les fourmis. Donc j'ai dit que tout animal nuisible on peut le tuer, même la fourmi, même les mouches, même les abeilles, même où il y a le hadith qui dit tu ne tues pas sans raison, mais si elles deviennent nuisibles, tu peux les tuer. Ensuite, il y a une règle qui dit que chaque animal, c'est une règle très importante, chaque animal ou chaque bête que l'islam nous a interdit de tuer, tu ne peux pas la manger. C'est une bête qui ne se mange pas. Et chaque animal ou chaque bête que l'islam t'a ordonné de tuer, ça ne se mange pas. C'est une règle. Tout animal que l'islam t'a interdit de tuer, tu ne peux pas le manger. Et tout animal que l'islam t'a ordonné de tuer, tu ne peux pas le manger. Prends un exemple. Hein. Il t'a interdit de tuer la fourmi. On peut manger la fourmi, on peut pas. L'abeille, on peut pas, c'est interdit. Le houdoud, sorb, tout ça, pourquoi? Parce que c'est interdit de les tuer. Autre, les six autres, il t'a ordonné de tuer l'aqrab, le scorpion, tu peux le manger, tu peux pas. Le serpent, tu peux pas. Le rat, tu peux pas. Le kelb, tu peux pas. Le ghourab, le corbeau, tu peux pas le manger. Le had'at ou hadith, tu peux pas la manger. Donc c'est une règle. Toute bête que l'islam a ordonné de tuer, tu peux pas la manger. Toute bête que l'islam t'a interdit de tuer, tu ne peux pas la manger. Je crois que j'ajoute un hadith ici, mais je vais terminer. Le prophète a dit, Arba'atun yahtajjuna yawm al-qiyamah, 4 personnes vont essayer d'avoir raison yawm al-qiyamah. Rajulun asam, quelqu'un qui est sourd, il n'entend rien. Rajulun ahmaq, quelqu'un qui est comme ça on dit un peu attardé mental, ou là, comme on dit, il sait plus ce qu'il dit. Warajulun harim, et un vieux ou là, une vieille, khalas, harim, il dit n'importe quoi. Et rajulun matafif khatra, et quelqu'un qui est mort dans une période où il n'y avait pas de prophète. Fa amma al-asam fa yaqul, le sourd dira, Rabbi, laqad ja'a al-islam wa ma asma'u shay'an. Oh Allah, l'islam est venu et je n'ai rien entendu. Je ne savais pas qu'il y avait l'islam. Je suis sourd, je n'entends pas. L'islam est venu et je n'ai rien entendu. Wa amma al-ahmaq. Et le deuxième qui est un peu sa tête, il est un peu attardé mental, ou là, un peu fou, ou là, qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi, ja'a al-islam wa ma aqilu shay'an. Oh Allah, l'islam est venu et je ne comprenais rien. والصبيان يحذفونني بالبعر même les enfants les petits hadou ils me frappaient quand je marchais dans la rue ils me frappaient avec le truc hadou les excréments des moutons et des chameaux etc ce sont comme des billes comme ça noires ils me frappaient avec yani tellement j'étais un peu fou ou amma l'harim l'harim yani le vieux il dira rabbi laqad jaa l'islam l'islam est venu wa ma'qilu shay'an l'islam est venu mais je comprenais rien je savais rien je disais n'importe quoi quand quelqu'un dépasse 80 ans ou là peut-être il commence à dire n'importe quoi amma alladhi mata fi al-fitra et celui qui est mort dans une période où il n'y avait pas de prophète qu'est-ce qu'il va dire rabbi ma atani laka min rasul oh Allah j'ai pas reçu de prophète je vivais moi je ne sais pas où en Amazonie ou là je n'ai jamais entendu qu'il y avait des prophètes et aucun prophète ne m'est venu fa l'azawjil ya'khud ma wathiqahum la yuti'anna l'azawjil va leur dire alors bon maintenant si je vous ordonne de faire quelque chose ou là je vous enverrai un prophète par exemple vous allez le suivre ils vont dire on voit inshallah ta'ala on va le suivre Allah Azza wa Jal il va leur envoyer un prophète subhanallah al-azim هذا الفوق شيء الله pas en bas il va leur envoyer un prophète il va faire en sorte qu'ils sentent c'est comme s'ils étaient sur terre et qu'un prophète est venu alors le prophète quand il viendra qu'est-ce qu'il va leur dire utrulun nar rentrez en enfer alors le hadith a dit فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما quiconque va rentrer elle sera froide inshallah ta'ala et il ne sentira jamais de chaleur ni il n'aura mal yani elle sera froide inshallah ta'ala ومن لم يدخلها سحب إليها et quiconque ne voudra pas rentrer et obéir à ce prophète on va le tirer jusqu'à ce qu'on jette dans Jahannam ça veut dire que quiconque obéira à ce prophète ça veut dire que c'est comme s'il lui était venu ici sur terre il lui aurait obéi et quiconque ne va pas lui obéir ça veut dire que si Allah Azza wa Jalla lui avait envoyé ici en terre aussi il lui aura pas obéi c'est la même chose maintenant remarquez une chose barakallahu fikum il y a beaucoup de gens même jusqu'à nos jours qui n'ont pas entendu de l'islam il y a des gens qui vivent comme ça dans des endroits en Amazonie ou je ne sais pas où peut-être qu'ils n'ont jamais entendu l'islam ceux-là Allah Azza wa Jalla leur enverra un prophète le jour du jugement dernier je dirais pire que cela il y a des gens qui vivent avec nous et qui n'ont pas encore entendu du vrai islam dites-moi Barakallahu fikoum maintenant je vais vous poser une question est-ce que le chrétien par exemple ou le juif qui a entendu qui depuis qu'il ouvre les yeux son père et sa mère lui inculquent et lui apprennent que c'est la christianité ou là c'est ça le vrai dîn surtout le juif on lui dit attention comme ça petit on lui apprend à 5 ans 6 ans attention l'islam c'est jahannam l'islam c'est l'enfer attention donc dès qu'il est petit on lui rentre ça dans le cœur, on lui rentre ça dans le cœur. Ensuite, est-ce que quelqu'un, yani, il a entendu l'islam quand on lui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un sorcier. Le prophète, c'est un menteur. Le prophète, c'est quelqu'un qui veut faire du mal. Le prophète, c'est ceci. Le prophète, c'est quelqu'un qui suivait les femmes. Le prophète, j'ai même lu une fois sur internet, ou là, je ne sais pas où, sur internet, je ne sais pas où exactement, il dit que le prophète c'était quelqu'un qui aimait les enfants, pas seulement les femmes, mais il aimait même les enfants. Est-ce que quelqu'un qui a entendu cela, ou là, qui a lu cela ou là, est-ce que celui-là, il a connu le prophète, il a entendu parler de lui? Je dirais même plus que ça. Quelqu'un qui se repentit. Un chrétien qui se repentit et il se repentit, yani la cause de son repentir, c'est qu'il a connu des chiites, ils l'ont fait rentrer dans l'islam. Celui-là a connu l'islam, il a connu le faux islam, il n'a pas connu le vrai islam, il a connu l'islam chiite, c'est un faux islam. l'islam où on se déchire la figure, l'islam où on se frappe avec les chaînes, l'islam où on fait le shirk billah, tout le temps dit Ya Hussein, donne-moi Ya Hussein, invite-moi Ya Hussein. J'ai entendu une fois un chi'i faire un dars dans un cassette. Il dit que Ali radiallahu ta'ala anhu sera le jour du jugement dernier, c'est lui qui dira toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis. C'est lui qui choisit, c'est lui qui dit toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis. Ça, c'est un chi'i qui dit cela. Celui qui fait le repentir avec ce chi'i, il va connaître l'islam, il va apprendre que c'est Ali qui va rentrer au paradis et c'est Ali qui va rentrer en enfer. Khlas, ça c'est, il y a un plus grand chiffre que celui-là. Il n'y a pas plus grand chiffre que celui-là. Donc celui-là, c'est un musulman. Miskin, il n'a pas connu le vrai islam. Une fois, j'ai entendu une cassette, un chi'i, un de ces savants, ils disent que c'est un savant. Il n'y a pas plus ignorant que celui-là, bien sûr. Il dit quoi? Il parle de Amr ibn al-As. Il déteste beaucoup, il déteste tous les sahaba, bien sûr. Mais surtout, il déteste Abu Bakr et Omar et Uthman. Il déteste beaucoup Amr ibn al-As. Amr ibn al-As qui a ouvert l'Égypte, qui a ouvert beaucoup de pays. Il le déteste beaucoup, beaucoup. Il dit, celui-là, leur savant, il dit dans la cassette. Il dit, la'nat Allah alayk, ya Amr. Il l'insulte, il lui dit, tu es maudit, ya la'n. Que Allah Azza wa Jalla fasse maudire hada, celui qui dit ce chi'i là. Ensuite il lui dit atasubbu aliyan, il lui dit tu insultes Ali atasubbu aliyan. Ensuite il lui dit ne sais-tu pas, il parle avec Amr al-As, ne sais-tu pas qu'une main, ça c'est quelque chose qui fait rire, qu'une main est sortie de la tombe du prophète. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir sa main de la tombe. Et que c'est écrit sur cette main, qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit Ya Amr, at-tal'anu aliyan, Ya Amr, tu insultes Ali, waqad khalaqak, alors que c'est lui qui t'a créé. Subhanallah al-Azim. Quand un savant, dit qu'une main est sortie de la tombe et c'est écrit, pourquoi tu insultes Ali? Alors que c'est lui qui t'a créé, c'est Ali qui t'a créé. Un savant qui dit que Ali crée, est-ce que ça c'est un din, ça? C'est un din, la Shia? C'est un din? Un din où on dit Aïcha a fait la zina, c'est un din? Un din où on dit tous les sahabas sont des koufars, sauf 7, ça c'est un din? Un din où on oublie Allah Azza wa Jalla, on invoque le Hussein, on lui dit aide-moi, guéris-moi, donne-moi des enfants, on va à la tombe pleurer, on se déchire, ça c'est un din, ça? Alors ceux qui font les repentir pour devenir chiites ou pour devenir soufis, hein, ils se tiennent par la main et commencent Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, jusqu'à ce qu'ils tombent comme des ânes, ils tombent comme des ânes. Ensuite on les arrose d'eau pour se lever. Ça c'est ce chrétien qui est devenu musulman comme ça, soufi. Il a connu l'islam, celui-là il n'a pas connu l'islam, hein, celui qui prend un couteau, qui le fait rentrer dans son ventre, il le fait sortir par son dos, il le rentre dans sa joue droite, il le fait sortir par sa joue gauche. Pourquoi? Parce qu'il a un djinn à l'intérieur. Celui-là il a connu l'islam, il n'a pas connu l'islam. Celui qui fait le repentir et il rentre directement avec les takfiriens. Les takfiriens, c'est kuffar, tout le monde est kuffar. Je connais quelqu'un en Algérie qui lorsqu'il était en prison, ses parents lui apportaient de le manger, il ne mangeait pas. Il dit je ne mange pas de la main des kuffars. Mon père et ma mère sont des kuffars, je ne mange pas. Et quelqu'un, lorsqu'il a eu l'occasion, il est sorti de prison, la première des choses, il est rentré à la maison pour les égorger, il n'a trouvé que sa mère. Il l'a égorgé, il a dit Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé, j'ai trouvé au moins ma mère, je l'ai égorgé, Alhamdulillah, une aide, c'est un triomphe, c'est Allah ta'ala qui m'a ouvert, il m'a fait un grand triomphe, j'ai égorgé ma mère, Alhamdulillah. Donc voilà l'islam. Quelqu'un qui a connu les takfiriens, qui rentre avec les takfiriens, il marche avec les takfiriens, il n'a pas encore connu le vrai islam, donc c'est pour ça que nous, yani, Allah, on a une grande responsabilité, surtout ceux qui vivent en Europe. surtout ceux qui vivent en Europe, pour montrer à ceux-là, ceux qui veulent rentrer en islam, on leur montre le vrai islam, pas le faux. L'islam des fous. Là, on leur montre l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même nous les musulmans, nous, entre musulmans, combien de musulmans qui ne connaissent pas le vrai islam? Ce sont des pauvres, bien sûr, on doit les aider. Ils connaissent rien de la aqida. Ils connaissent rien du fiqh, ils connaissent rien de l'islam. Ils connaissent comme ça des hadiths da'ifa, des hadiths faibles, des ikda. Et voilà, j'arrête, inshallah ta'ala, j'arrête dans ce hadith que je vais dire maintenant. C'est le dernier hadith. Je vais le dire maintenant et je m'arrête, inshallah ta'ala. Le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit Arba'un min sa'ada, quatre choses font le bonheur de l'homme. Quatre choses font le bonheur. La première des choses, al mar'atu saliha, la femme, yani l'épouse, quand elle est saliha, yani c'est une épouse, yani qui, je ne sais pas comment on dit saliha en français, pieuse, peut-être pieuse, inshallah, pieuse, c'est un peu yani malish, imra'atun saliha, une épouse qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une épouse qui yani obéit à son mari, une épouse, parce que vous savez, quand quelqu'un vertueuse, quand quelqu'un rentre du travail, maintenant, s'il va trouver une femme qui l'attend à l'intérieur avec un bâton, une femme qui l'attend à l'intérieur avec une langue qui fait un demi-mètre, alors là, déjà, la souffrance au travail, au lieu de rentrer et trouver une femme qui l'attend, yani souriante, qui l'attend, bien, je t'ai préparé aujourd'hui un gâteau, je t'ai fait ceci. Elle dit, elle a un bâton, elle l'attend, et elle attend. C'est pour ça que les ulama ont dit que j'ai oublié, ils sont basés sur un verset pour dire que yani ils parlent de Jahannam, ils disent Jahannam c'est la femme, ça peut être la femme, une femme. Il y a certains gens qui ont Jahannam, la petite Jahannam, il y a la grande chez Allah, il y a la petite ici, ils disent c'est la femme qui n'est pas pieuse. Et bien sûr, quand on a une femme pieuse, on a aussi le grand avantage de quoi? Le grand avantage de, bien sûr, de ne pas être trompé. Une femme qui est pieuse, elle sait que Allah Azza wa Jal est avec elle, il est sur son trône et avec elle, yani son savoir est avec elle, il sait tout ce qui se passe. Elle ne peut jamais faire un geste ou là, parce que elle sait que Allah Azza wa Jal la regarde. Alors que l'autre, son mari n'est pas là, elle peut profiter et faire mille choses. Pourquoi? C'est comme son mari ne peut pas savoir ce qui se passe. Et quand on dit la femme saliha, bien sûr l'homme aussi, quand il est pieux, etc., il fait le bonheur de l'épouse. Pourquoi? Parce que quand une femme se marie avec quelqu'un qui est pieux, comme on dit les ulama, on dit Ida ahabbaha, c'est comment ils l'ont dit, mais à peu près c'est comme ça. Ils ont dit s'il l'aime, yani, comment on dit, yani, tu as déjà cool, etc. Il fait chicha, yani, j'ai oublié comment on dit ça. Même en arabe, j'ai oublié comment on dit ça. Il lui donne tout, etc. Il la comble, allez. S'il l'aime, il la comble. S'il la déteste, hein, il peut ne pas l'aimer. S'il ne l'aime pas, il reste juste avec elle. Au moins, il est juste avec elle. Pourquoi? Parce qu'il ne la laisse pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il l'aime, il va la combler. Mais s'il ne l'aime pas, à la rigueur, il ne va pas la léser, il ne va pas lui faire du mal. Mais quand quelqu'un n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'aime pas sa femme, là, s'il s'en fout, il dit, moi, celle-là, je n'ai pas pu l'aimer. Il fait ce qu'il veut à l'intérieur. Ah, ouais, je ne peux pas. Allah ghalib, je n'ai pas pu l'aimer. Donc, il va chercher autre chose. Awalan, al-mar'atu saliha, thaniyan, al-maskanu al-wasi'a. La deuxième chose qui fait le bonheur, c'est quand on a une maison wasi'a. Wasi'a, ça veut dire yani, assez spacieuse. Hein. On n'est pas 10 personnes spacieuses. Voilà, on n'est pas 10 personnes dans deux pièces. On va dormir 5, 6 dans une pièce. Ça, on n'est pas dans la sa'ada, on n'est pas dans le bonheur. Car le hadith a dit, la maison spacieuse, les ulama ont dit, la maison spacieuse, c'est pas aussi comme font maintenant les gens. Il a besoin seulement de 5 pièces par exemple, ou 6 pièces, il va faire quoi? 3 ou 4 étages, alors que il n'a pas besoin de toutes les autres pièces. Nous on dit Si tu fais un deuxième étage, maléch. Pour qui? Pour tes enfants. Même si tu fais un troisième, mais tu dis pour mes enfants, inchallah, pour que ils vont grandir, chacun va avoir son appartement, etc. Mais moi je parle de ceux qui construisent comme ça alors qu'ils savent qu'ils ne sont par exemple que lui et sa femme. Ils n'ont pas besoin de tout cela. Ça, c'est comme a dit le prophète, c'est le shaitan qui va dormir dans toutes les autres chambres. Il y a un autre hadith qui dit que le meskin al-wasi', il a dit la maison spacieuse, et il a ajouté le hadith, il a dit al-kathiru al-marafiq. Al-kathiru al-marafiq, c'est un hadith sahih. Al-kathiru al-marafiq, ça veut dire qui contient tout ce dont on a besoin. Al-marafiq, al-marafiq, par exemple les lits, par exemple s'il fait très chaud il y a le climatiseur, s'il fait très chaud on a le frigo, ça s'appelle al-marafiq, les choses dont on a besoin à la maison. Le prophète a dit al-maskan al-wasi', large, spacieux, et qui a les marafiq. Les marafiq, je ne sais pas comment on dit en français, ça veut dire tout dont on a besoin. Au sels, troisièmement, il a dit al-jaru salih, les choses nécessaires. Les choses nécessaires, il y a beaucoup de choses nécessaires. Au sels, la troisième chose, al-jaru salih. Al-jaru salih, c'est le voisin qui est vertueux. Le voisin qui est vertueux. Wallah, tu peux avoir tout dans la maison. Une femme vertueuse, une maison spacieuse, il y a toutes les choses nécessaires, mais si tu as un jar, un voisin qui n'est pas bien, il va te rendre la vie noire. Il va te rendre la vie noire. Pourquoi? Parce qu'il va te faire beaucoup, beaucoup de problèmes. Tu vas rentrer avec les problèmes, sortir avec les problèmes, et tu es à l'intérieur de ta maison, il crée des problèmes. Donc le jar, le voisin, a quoi? A un grand rôle dans le bonheur, dans notre bonheur. C'est pour ça que dans notre sharia, tu n'as pas le droit de vendre ta maison avant que le voisin, tu ne demandes son avis. Pourquoi? Parce que lui, il a la priorité sur les autres. En islam, lui, quoi? Il a la priorité, le voisin a la priorité. Quand tu veux vendre ta maison, a la priorité sur les autres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le plus près de toi, c'est lui le plus proche, il a la priorité. Quatrièmement, il a dit Al-Markab Al-Hani. Quand autrefois on avait un chameau, quand on a un chameau qui est malade, un chameau qui a le pied cassé, un chameau qui marche 100 mètres, ensuite il doit rester une heure, ensuite il marche 100 mètres, ensuite il doit s'arrêter, il ne peut pas marcher. Celui-là, on n'est pas heureux. Maintenant, de nos jours, c'est la voiture. Quand on a une voiture qui, alhamdoulilah, elle est assez neuve et elle ne fait pas de machiakil, ça rentre dans le bonheur. Alhamdoulilah, tu prends ta voiture, tu vas où tu veux, tu sors avec la famille, tu vas au travail, alhamdoulilah, tu ne fais pas de machiakil. Maintenant, quand tu as une voiture qui, tous les 100 km elle va s'arrêter, et tous les 2-3 jours tu la prends chez le mécanicien, alors là dans ce cas, alhamdoulilah, ne pas avoir de voiture c'est mieux. Wallah, ne pas avoir de voiture, tu dors alhamdoulilah, tu n'as pas de problème. Mais quand tu as une voiture comme celle dont je viens de dire, tu vas pas dormir la nuit. Est-ce qu'il a fait le mécanicien ceci, est-ce qu'il a fait cela, combien ça va demander d'argent, est-ce que je vais trouver la pièce nécessaire, est-ce que cela... Ne pas avoir de voiture, marcher à pied, aller dans le bus, c'est beaucoup mieux. Moi, je connaissais un ami, quand j'étais à Alger, à chaque fois que j'allais chez ma mère, à chaque fois que lui il habite, dans le même immeuble avec ma mère. À chaque fois que j'allais chez ma mère, je regardais du balcon, je le trouvais, la voiture en bas, et lui au-dessus de la voiture en train d'enlever ou de réparer ou en-dessus d'elle. Il a dit à ma mère, Allah, celui-là, mon ami Iksada, s'appelait même Azdin. Je lui dis Azdin, le temps qu'il passe sous la voiture est beaucoup plus grand que le temps qu'il passe à l'intérieur de la voiture. Ensuite, quand je suis descendu, je lui ai dit. Je lui ai dit, Allah, je me suis étonné. À chaque fois que je viens, je te trouve sous la voiture. Ou bien tu es sous la voiture, ou bien tu ouvres le capot et ta tête est à l'intérieur. Je ne me rappelle pas l'avoir vu une fois à l'intérieur de la voiture, seulement au-dessus d'elle. Donc moi, pourquoi? Une vieille voiture. Donc si on passe sa vie, on achète une voiture, on passe sa vie au-dessus d'elle. Donc on ne va pas monter sur la voiture. Je vois pas pourquoi on l'a acheté. أقول ما تسمعون جي تاردي ان بو اجوردوي واستغفر الله لي ولكم فإن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي وما أبرئ نفسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أم هند تفضل الله لي بارك الله فيك إن شاء الله كو شاكان بوزي اون سول كيستيون بارك الله فيكم اون سول كيستيون بارك الله فيكم. Mohind, pardon pour le soulignage. Moi personnellement, là, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire le soulignage. Soulignage, il y a une souligné, il y a un trait ou là, c'est quoi le soulignage? C'est pas ce que c'est, Allah. Allez. Donc, tu n'as pas de question, Mohind. Et qu'est-ce que avez-vous eu la question? Non, je l'ai pas lu. Ça me mouche là, j'ai pas lu la question. Au moins, quand tu poses la question, essaye de la couper. Si elle est longue, elle passe pas sur l'écran. Essaye de couper la question. Tu la coupes en deux ou trois fois. Parce qu'elle n'est pas sortie ta question. J'attends que tu la coupes, Inch'Allah. Oum Abdelrahman, je t'enlève le point rouge le temps que Oum Hind formule sa question de nouveau. Oum Abdelrahman, tafadhali. Je vois bien ta question. Au moins, les ulama disent, dit le chef Ibn Uthaymin, rahmatullah, il dit, et on fait un qiyas à ce que tu as fait. Quand, par exemple, quelqu'un parle sur quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un parle sur quelqu'un qui n'est pas présent, ça s'appelle riba. C'est un péché, c'est un grand péché, bien sûr. Alors, est-ce que, par exemple, on va lui dire, voilà, j'ai parlé sur toi, ou bien on fait un repentir entre nous et entre Allah. Ça a un rapport. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, quand on parle sur quelqu'un, maintenant, ou bien on fait un repentir entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne lui dit pas, parce que si on lui dit, peut-être que ça va rentrer dans beaucoup de problèmes. Maintenant, la personne qui t'a dit des choses et tu ne devais pas les dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais un repentir entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, sauf dans le cas où tu sais que si tu vas demander le pardon à celui-là, il va te pardonner. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit, si tu vas demander à celui-là le pardon et tu sais que ça va agrandir les choses, il vaut mieux que tu laisses le repentir entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on fait quelque chose, on dit quelque chose ou là de quelqu'un qui n'aime pas qu'on dise cette chose, on voit. Si c'est quelqu'un qui accepte, par exemple, quand on lui demande pardon, lui demander pardon, c'est mieux. Ensuite, on fait le repentir entre nous et Allah. Ça veut dire on a deux choses, avec le quelqu'un et avec Allah. Mais si ce quelqu'un, si on va lui dire, ça va s'aggraver, il vaut mieux ne pas lui dire et faire un repentir entre nous et Allah. Sauf bien sûr si on lui a pris de l'argent ou là, celui-là, on doit lui rendre son argent. Hein, si on a volé à quelqu'un ou là, celui-là, on doit lui rendre son argent, même si ce n'est pas nous directement. Par exemple, je ne veux pas qu'il sache que c'est moi qui lui ai pris son argent, je peux lui envoyer son argent, par exemple, avec une deuxième personne. Wallahu ta'ala alam. Oum Abdelrahman, tafadhali. Abou Mouad, tafadhal, le temps que Oum Abdelrahman écrit. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas préparé les questions. Salam alaikum, cher. Connaissez-vous l'université dans ce qui se trouve à Ussendi? Est-ce que vous pensez à un frère? C'est le fils d'étudier. Jazakallah khair. Est-ce que vous voyez ma question? Oum Abdelrahman, on ne voit pas ta question. On ne voit pas ta question. Tu as écrit quelque chose de long. C'est pour ça qu'on ne voit pas ta question. Une sœur m'a dit qu'il est interdit de se faire la bise entre femmes. Il ne m'a pas ramené le délai. Il ne m'a pas. Je vais te répondre. Pardon, j'ai d'abord lu la question de Abou Mouad, quoique ta question vient avant, mais puisque j'ai lu sa question. Abou Mouad, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Connaissez-vous l'université islamique d'Algérie, Souba Ussendi? Naam, cette université, c'est là-bas que moi j'ai fait mon magistère. C'est une université. Wallah, que yani, si quelqu'un trouve une autre, qu'il a une autre, c'est mieux. Par exemple, s'il trouve l'université, par exemple, Saoudia ou là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Là-bas, d'ailleurs, ceux qui t'enseignent, la plupart ne sont pas des salafis. La plupart, peut-être que dans toute l'université, il y a deux ou trois seulement qui sont salafis, des enseignants. Tous les autres sont des frères musulmans. C'est pour ça que moi je conseille à mon frère, s'il trouve une autre université, une autre c'est mieux. Mais s'il ne trouve pas, il habite en Algérie, il n'a pas un autre choix. En ce qui concerne Oum Abdelrahman, alaykoum salam wa rahmatullah, une sœur m'a dit qu'il était interdit de se faire la bise entre femmes, mais il ne m'a pas amené de dalil. Pouvez-vous me dire ce sujet, barakallahu fikoum, pour le temps que vous me consacrez. Barakallahu fikoum. Naam, l'ukht Oum Abdelrahman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, quand on se rencontre et quelqu'un enlace quelqu'un, c'est possible? Il a dit non. Il lui a dit, et quelqu'un qui lahda, je dis le hadith en arabe pour que je puisse traduire en français. Rajul al-taqi rajul yuqabbilu qala la qala hal yulazimu qala. Non, il lui a dit, quelqu'un qui rencontre quelqu'un, est-ce qu'il peut par exemple l'embrasser sur les joues? Il a dit non. Il a dit il tezimo, il l'enlace. Il a dit non. Il a dit yusafihu, il a dit naam. Je crois que la sœur, c'est peut-être basé sur ce hadith, que quand quelqu'un rencontre quelqu'un, en principe, il lui serre la main, c'est tout. Mais les ulama ont dit, il y a des hadiths sahih sur des compagnons, que lorsqu'on vient d'un voyage, on peut enlacer quelqu'un. Lorsqu'on vient d'un voyage, on peut enlacer quelqu'un. C'est pour ça que les ulama disent que quand on vient d'un voyage, on peut enlacer quelqu'un. Et la même chose, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un, on peut l'enlacer. Car quelle est la différence lorsqu'il va en voyage, ou bien il est avec moi dans la même ville, mais je ne le vois pas un mois, je ne le vois pas deux mois. Ici, il n'y a pas de différence. Là, on peut l'enlacer. Mais exactement ce qui concerne la bise, je ne sais pas exactement. Je préfère peut-être qu'il y a d'autres délits. Je préfère te chercher, Inch'Allah Ta'ala. Je préfère te chercher. Peut-être qu'il y a un délit comme ça spécialement. Peut-être que les ulama ont parlé sur ça. Je préfère te chercher. Et je sais qu'en préférence, que de préférence, yani, serrer la main, c'est beaucoup mieux. Serrer la main, c'est beaucoup mieux. Ou alors à la rigueur, enlacer. Enlacer quelqu'un, si ça fait longtemps, on ne l'a pas vu. Mais Inch'Allah, je te promets que très bientôt, inshallah, je te donnerai la réponse, inshallah ta'ala. Abu Mohamed, tafaddal. Salam alaykoum wa rahmatullah. Tu sais, tu sais, tu sais, أخ يسألني يعني ثلاثة أيام أو أربعة يعني يسألني وأنا بين قتي ولكن لم أجدك فيريد يعني التوضيح في مسألته. يقول إن أخت تريد أن تتزوج مع أخ وأبوها لا يريد وأنكر ذلك وتقول أخت أن أباها لا يصلي فلأجل ذلك إذا اعتقدت هذه الأخت أن أباها كافر لأنه تارك الصلاة من وليها وإذا اعتقدت أن أباها عاصي هل يبقى وليها فإذا منع الزواج هل تصبر؟ فتقول كذلك هذه الأخت أن عمها يصلي ولكن لا يريد أن يزوجها كي لا يجعل بينهما الفتنة. فالأخت توضح من سيكون وليها إن كان أو إن كان أن أباها كافر إن اعتقدت أن أباها كافر وإذا لم تعتقد ذلك يعني ماذا تفعل؟ بارك الله فيكم. أبو محمد je vais te répondre inshallah ta'ala juste après la réponse de celle qui vient après. أو صالحة تفضلي. Ou Saliha, j'attends ta question. Fouzi, tafaddal, Fouzi 93. Non, je vois pas Saliha, je vois pas la question. J'ai dit toujours il faut couper la question. السلام عليكم السلام ورحمة الله. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le mot haram est employé donc aussi bien pour une chose sacrée comme le Beit Haram, la maison sacrée, et pour une chose haram, illicite. Barakallahu fikum. Hadith, il faut que je cherche dans le tafsir. Il faut que je cherche dans le tafsir. Et peut-être parce que quand on est devant cette maison, Beit al-Haram, c'est un beit où on doit faire les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Si c'est pas, on ne peut pas faire les choses que Allah azza wa jalla interdit. Car c'est la maison où on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit avoir la sincérité, on doit, donc c'est un endroit où on doit s'éloigner du haram. Mais inshallah ta'ala, ta question, je te répondrai la prochaine fois inshallah avec certitude inshallah ta'ala. C'est interdit de tuer les bêtes, tuer les gens, etc. Naam, haram il dit parce que quand on est hajj, c'est interdit de tuer les bêtes, etc. C'est à peu près ce que j'ai dit, mais peut-être pour être plus sûr inshallah ta'ala, peut-être plus sûr inshallah ta'ala. Posez, je ne sais pas si tu as posé ta question, Salam alaikum, mes chers, quels sont les délits de Cheikh Abou Ghazi pour toi, il va déjà m'attablir, pour te prendre le hymne de lui. Lahda, je vais te répondre, Inch'Allah ta'ala, je suis en train d'être sûr en une chose. En ce qui concerne Sanjibel, c'est haram pour les mecs qui ont les associateurs. Non, c'est haram pour les mecs qui ont et les associateurs. Non, il y a ni Beit Haram parce que les mecs qui ont les associateurs n'ont pas le droit de l'approcher. Allahu ta'ala alam. En ce qui concerne Cheikh, quels sont les dalils de Cheikh Abou Bakr, il n'a pas de dalil. Cheikh Abou Bakr n'a pas de dalil. Tous ces dalils ne sont pas, sont réfutés. Et les ulama comme Cheikh Fouzain, etc., lui ont raddou alayh. Ils lui ont réfuté ses délits, ils lui ont dit tu n'avais pas le droit de dire cela, et tu n'avais pas le droit de dire qu'ils sont des gens bien, etc. Les tablir, il faut dire aux gens qu'ils ne sont pas des gens bien, il faut mettre en garde contre eux. En ce qui concerne le ilm, Cheikh Abou Bakr Jazairi, tu peux prendre de lui les rappels, quand il parle de rappel, etc., zikra ou loi, tu peux prendre de lui. Mais le vrai ilm, je préfère que tu le prennes de Fawzan Hafidhullah Allah et les autres, Al-Fawzan et les grands Salah Al-Sheikh ou Al-Sheikh, ceux-là Inch'Allah Ta'ala, tu prends de l'ilm de Cheikh Abou Jazairi, tu prends Inch'Allah de lui les rappels, etc. En ce qui concerne la question de l'Ort qui avait parlé ça, j'ai dit que si elle atteste que celui qui ne fait pas la salat c'est un kafir, khlas, il ne peut plus être son wali. Mais si elle atteste que c'est seulement un asi, comme Cheikh Al-Albani, dans ce cas, il peut être son wali. Maintenant, s'il ne veut pas, c'est à elle de voir. Ou bien elle patiente, ou bien elle demande à quelqu'un de plus proche d'être son wali. Et dans ce cas, bien sûr, c'est sûr qu'elle va être, elle va rentrer dans de grands problèmes avec son père. D'ailleurs, je ne sais pas, elle est le proche, s'il va accepter ou s'il ne va pas accepter. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la prière de la consultation et elle voit. Mais je veux seulement lui dire qu'en islam, il lui est permis, si quelqu'un de pieux, etc., qui demande sa main, et que son père n'accepte pas, il lui est permis qu'elle cherche un autre wali. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de ne pas la marier sauf si lui il voit des choses qu'elle elle ne voit pas. Dans ce cas, il doit lui dire, il doit lui montrer, lui dire, voilà, certes, il est pieux, etc. Mais il a des défauts, il a ceci, il a cela. Mais s'il ne veut pas lui marier, la marier à cause de... Non, si elle se marie, il la renie. C'est ça les problèmes. C'est ça ce que je voulais dire. Mais maintenant, si lui, il ne la marie pas à cause de... spécialement à cause de son din, il y a des pères comme ça. Il dit, non, celui-là, c'est un pratiquant, etc. Je te marie pas. Celui-là, il a une barbe, je te marie pas, etc. Celui-là, bien sûr, c'est lui le fautif. C'est pour ça que je vous ai dit une fois que Cheikh Ibn Othaymine a dit même qu'elle a même le droit de poser plainte contre lui. Quand on est dans une république islamique, ce qu'on appelle le qadi l'appelle, il le réprimande, il lui enlève la wilaya et il la marie. Il lui dit, tu n'es plus son wali, toi tu veux la marier avec un pervers, avec quelqu'un qui fait la salat, quelqu'un qui a de l'argent, c'est tout, même s'il boit de l'alcool, alors je t'enlève la wilaya et je la marie moi, ou je la donne à un autre, je la donne à son frère ou là, etc. C'est pour ça que elle fait la prière de la consultation et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider, parce que ce n'est pas facile. Elle va être entre le marteau et l'enclume, elle va être entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui chercher, de l'aider pour qu'elle trouve, inshallah ta'ala, une solution. C'est la fille à ta femme. Salafia, j'attends Inch'Allah Ta'ala. Mon Salafia est parti. Nasra 59. Nasra 59. Tafadal ou tafadal. Salafia, si tu avais un point rouge, parce que je n'ai pas remarqué, je t'ai enlevé le point rouge. Si tu avais un point rouge et tu veux parler, je te l'ai enlevé, tu remontes en haut. Le salafia a dit salam alaykoum salam atla. Je mets le hijab en cachette et souvent ma mère me demande de lui jurer que je ne le mets pas. Et est-ce que je commets un péché en lui disant wallahi alors que je sais que ce n'est pas vrai? Si oui, que faire pour que Allah me pardonne? Barakallahu fikoum. Wallahi, quand on dit des choses pareilles, on trouve un chagrin dans le cœur. Qu'une mère fasse jurer sa fille qu'elle ne met pas le hijab, subhanallah al-azim. Yani, elle ne la fait pas jurer. Si elle sort, elle va danser. Si elle sort avec un homme, elle va danser. Elle la fait pas jurer, c'est très normal. Mais elle la fait jurer, quoi? Si elle fait le hijab, et elle la fait jurer peut-être si elle fait la prière à l'heure. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Toi, et quiconque est dans un cas pareil, il faut qu'il ait son cœur très attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui ouvrir ses portes et yani de l'aider pour qu'il sorte des problèmes, et inshallah ta'ala il sortira toujours triomphant, toujours. Car Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, il a dit inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah azza wa jalla a dit moi-même je défends les croyants, je les défends. D'ailleurs tous les cœurs sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. Et cette mère qui te dit comme ça, il est possible qu'elle devienne demain l'une des plus pieuses. Il faut seulement être patient et avoir une grande confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne quand quelqu'un est dans l'obligation et qu'il va jurer, premièrement il essaye de ne pas jurer au maximum. Maintenant, si tu vois que tu es dans l'obligation, tu n'as plus d'issue, si tu jures que toi, yani, tu penses à autre chose, ce n'est pas le hijab. Si tu dis que tu ne le mets pas, ça veut dire que tu ne mets pas par exemple le blue jean ou la autre chose. Tu parles toi d'autre chose et elle croit que tu es en train de parler du hijab. Toi tu parles d'une autre chose et tu dis cette chose ne la mets pas. Et elle, tu lui fais croire que tu es en train de parler du hijab. Mais bien sûr, au maximum, toujours, tu essayes de ne pas jurer. Tu essayes de ne pas jurer au maximum, je te dis, sauf dans le cas où tu sais que si tu ne vas pas jurer, tu vas avoir aujourd'hui de grands problèmes, de gros problèmes. Là, tu essayes, comme je t'ai dit, de penser à autre chose et tu jures sur l'autre chose, tu lui fais croire que tu as juré sur le hijab. Wallahu ta'ala alam. J'ai une fille de 16 ans qui me dit de vous demander à sa place, si à la place de voir son futur prétendant, elle peut à la place lui montrer sa photo au garçon. Car elle ne veut pas à chaque fois montrer son visage, elle couvre son visage, sa photo. Ensuite, qu'est-ce que c'est écrit dans le moment présent? Tu dis, oh Allah, je ne le mets pas. Quand on soit présent, tu ne le mets pas. Non. Ou bien quand tu jures dans le moment, tu parles du moment présent que tu ne le mets pas. Car tu es dans le moment où tu n'es pas en train de mettre. Et cela fait trois garçons qui se sont présentés à elle. On a fait le mariage, j'espère, rien ne s'est fait. Donc elle me dit qu'elle en a assez de montrer son visage. En ce qui concerne ceux qui se sont présentés, c'est de leur droit de voir la femme, elle dit premièrement. Deuxièmement, ça fait trois garçons qui se sont présentés et il n'y a rien eu. Alhamdoulilah qu'il n'y a rien eu, car Allah Azza wa Jal n'a pas voulu, et Allah Azza wa Jal, quand il ne veut pas, c'est pour leur bien, eux, les trois, et pour le bien aussi de la fille. Pour le bien de la fille. Nous on se dit pourquoi ça n'a pas marché, etc. On a un chagrin. Alors que si on savait que si elle s'était mariée avec un de ces trois, elle aurait eu de grands problèmes. Asant krau shay'an wa huwa khayrun lakum. Et comme j'ai dit toujours, personne ne peut se marier sur terre avant qu'il se marie en haut. Donc moi je préfère qu'elle n'envoie pas de photo. La photo, c'est plus grave parce qu'elle tombe dans quelqu'un qui n'est pas pieux. La photo, il va faire une photocopie, ensuite il commence à faire le chantage, ensuite il la met sur internet, ensuite il la met je ne sais pas où. Donc elle marche normalement. Quand il y a quelqu'un qui vient, si elle sent c'est quelqu'un de sérieux, elle lui montre son visage. Ensuite si Allah Azza wa Jal veut ce mariage, il sera, personne ne pourra entraver ni arrêter le mariage. Si Allah Azza wa Jal ne veut pas, on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Et on a toujours confiance en Allah Azza wa Jal et on sait qu'il ne nous veut que du bien, inshallah ta'ala. Jazakillahu khairan. Abu Anas, tafadla. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ma question est, le hadith où le prophète dit Allah a envoyé les autres prophètes pour le Ummah en particulier et moi il m'a envoyé pour le monde entier. Est-ce qu'on peut déduire ce hadith que même les chrétiens et les juifs et ceux qui sont sur d'autres diyanats sont partis, font partie eux aussi de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Jawab, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ont été créés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani en son époque, et après tous ceux qui vont venir après lui sont des gens de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les ulama disent Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça divise en deux: Ummat Da'wa et Ummat Ijaba. Ummat Da'wa sont tous ceux qui vivent et qui vivront, yani en son époque jusqu'au jour du jugement dernier. Ça s'appelle Ummat Da'wa. Et Ummat Ijaba, la nation de la Ijaba, ce sont ceux qui ont répondu à son appel. Donc il y a deux Ummas. Ummah, le prophète Aslam, on va leur faire la Da'wa, etc. Donc les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, tous sont de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la nation de la Da'wa. Et ceux qui ont répondu à l'appel et sont devenus musulmans sont la nation de la Ijaba, de la Ijaba. Wallahu ta'ala alam. Shayma, tafadlali. Shayma. Mshima, j'attends ta question. Hein. Je vais donner à Selsabil. Selsabil, t'as pas d'aller le temps que Mshima écrit. Pendant j'ai parlé, l'Akhta al-Musallin, il est sur ce site. Le site que vient de donner mon frère, na, Salat, hada. Il est sur ce site, Inch'Allah ta'ala. Selsabil a choisi une police. Un khat tellement petit que je ne sais pas si on va le lire. Comme les hommes mutallaqa tashuk min awladiha, tashuk awladiha al-kibar alladhina la yusallun wa ya'qunaha. تشكو من أولادها الكبار الذين لا يصلون.